Yeah. monter. Oui. Se faire entendre. Et plus laisser distraire les insolents. Faire effraction. Renvoyer le mensonge dans le corps. Essayez de rater. de notre human behavior.